D'après le journal d'internet sud-coréen Tonglius, le comité de lutte de Songju pour le retrait de la disposition de Saad, le comité de mesure des citadins de Kimchon contre la disposition de Saad, le comité de mesure urgente pour la défense du lieu sacré de Songju du bouddhisme Won, le comité de mesure de la province de Gyeongsang du Nord à Daegu contre la disposition de Saad, l'action nationale contre la disposition de Saad et l'action urgente des citoyens pour la démission du pouvoir de Bakune ont tenu le 13 à Songju le troisième rendez-vous d'action pacifique pan-nationale de la commune de Soson pour exiger le retrait de l'introduction du monstre de guerre. Ce jour-là, des organisations de diverses religions comme Bouddhisme Won ont formé la solidarité pacifique des croyants pour le retrait de Saad et livré une lutte contre l'armement américain.